Platine. Pour la première fois en Suisse romande, Rouge FM et le MAD présentent une étoile de la planète trans. Une étoile de la planète trans. Numéro 3 mondial, producteur du plus grand show planétaire de trans, State of Trance. Ce soir, Lausanne est la capitale mondiale de la trans. Armin van Buuren. Il est là, bien là, en chair et en os, Armin van Buuren. We'll be right back. Business only. Thank you. Oh.